Ils ont pris le pouvoir en janvier 33. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti dès le début ? Je ne pouvais pas abandonner mon pays au plus profond de la misère. Partir en 33 ou 34, c'eût été une honte. Pourriez-vous le traiter avec un peu plus de respect ? Un peu plus de quoi ? C'est peut-être tout simplement le plus grand chef d'orchestre du siècle. Mais David, pensez à vos parents et pensez à lui en train de diriger. Joyeux anniversaire, Adolphe ! J'ai toujours professé que l'art et la politique devraient être totalement séparés. Commandant. La musique s'est arrêtée. Commandant Arnold. La musique s'est arrêtée, commandant. Steve, Amy, appelez-moi Steve. Vous vous êtes endormi. Oui, bien vu, Amy, je me suis endormi. Eh bien, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment vous pouvez vous endormir pendant la cinquième de Beethoven. Eh bien, je me suis endormi pendant la cinquième de Beethoven parce que la cinquième de Beethoven me fait prodigieusement chier. Je pense que quand vous êtes grossier, c'est que vous plaisantez. Non, Amy, quand je suis grossier, je ne plaisante jamais. Vous êtes encore en train de plaisanter. Oh, vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne sais jamais quand vous plaisantez, mais vous devriez écouter Beethoven attentivement, commandant. Ma préférée, c'est la 8e symphonie, mais vous devriez surtout écouter la 9e. Beethoven l'a écrite à la fin de sa vie, c'est une des plus belles œuvres jamais composées. Moi, je préfère la 11e. Oui, vous plaisantez, mais vous devriez l'écouter, commandant. C'est pour ça que je vous ai apporté ces enregistrements. Pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je sais à qui j'ai affaire. Ah, j'ai connu un autre chef dans le temps. Dix Dixon. Alors, petite formation saxalto, mais pas mauvais. Un jour, la villa où il habitait avec toute sa clique a cramé. Il a tout perdu. Enfin, presque. Je l'ai coincé. Oui, je l'ai coincé parce qu'il y a toujours une question à laquelle un coupable ne peut pas répondre. X, tout le monde se retrouve le cul nu, sauf toi. Alors comment tu expliques ça? Bon, en fait, il joue aux courses. Non, mais vous comprenez, Amy? Non? Ben, il avait fichu le feu à sa tôle pour toucher l'assurance. Ok. Allez, combien avant l'arrivée de la grosse pointure? Un seul. Helmut Rode, deuxième violon à l'orchestre. Il y a aussi une requête de Wiesbaden pour que vous receviez une Madame Müller. Non mais quand ça vient de Wiesbaden, c'est pas des bonnes nouvelles. Il y a un jeune officier qui est passé il y a un instant. Il a vu que vous dormiez et il est reparti. C'était qui? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu. Et il y a un message, le colonel Volkov s'est fait excuser. Tant mieux, pas de message des Anglais? Non. Non mais il est passé où ce jeune officier? Je ne sais pas, il n'a fait qu'entrer et sortir. Ouais, trouvez-le-moi, Amy, vous voulez bien. Lieutenant Wills, à vos ordres, mon commandant. Alors laissez tomber ces conneries, j'ai horreur de ça. Appelez-moi Steve. David. David Wills. Je suis votre nouvel officier de liaison avec les services de renseignement alliés. Je remplace le capitaine Greenwood. Il a été muté à Nuremberg. Apparemment, ils ont besoin d'interprètes supplémentaires pour le procès. Alors c'est vous qui allez vous farcir les Anglais maintenant ? Oui, mon commandant. Ah, appelez-moi encore une fois, mon commandant, et je vous oblige à écouter du Beethoven. Bah, vous l'avez déjà vu, le commandant British ? Le commandant British ? Ah oui, celui qui cause comme s'il avait des glaçons dans la bouche. Jamais s'il parle allemand ou anglais. Merde, mais comment il s'appelle déjà ? Le commandant Richard. Ouais, c'est ça. Alan Richard. Je lui ai parlé ce matin, mais il était pressé. Il avait une réunion urgente. Le fichier Inkel ? Oui. Et si jamais c'est important, vous croyez que les Anglais vont en faire profiter leurs alliés ? Non, mais dites-moi, on vous recrute à la maternelle maintenant. Il faut croire. Vous êtes d'où ? Je suis né ici. Pas à Berlin. À Hambourg. Je suis parti en 34. J'avais 12 ans. Mes parents m'ont expédié chez mon oncle à Philadelphie. Ils devaient suivre, mais ils ont retardé et retardé. Pas suivi. Mon vrai nom est Vaille. Ouais, vous entendez ça, Amy ? Notre petit David est natif de Hambourg. Oui, j'ai entendu. Ah, je suis désolé pour vos parents. Ah, au fait, Amy Straub, c'est une bonne Allemande, n'est-ce pas, Amy ? Hein, son père faisait partie du complot contre Hitler. Je crois que Monsieur Rhode est là, commandant. Alors, pas moyen qu'elle m'appelle Steve. Elle est tellement correcte, elle aime les livres. Elle aime la poésie, elle est carrément dingue de Beethoven. Vous aimez Beethoven, David ? Oui. Oui, c'est bien ce qui me semble. Oui. Moi, j'ai vu Bergen-Belsen 2 jours après la libération du camp, alors... je sais de quoi je parle. Pensez à vos parents, pas aux musiciens. D'après le capitaine Greenwood, ça ne sera pas facile de monter un dossier contre lui. On en reparlera. C'est moi qui tiens la baguette et c'est moi qui pose des questions. Alors, si vous voulez poser une question, ben, vous levez le doigt et je vous ferai signe, ok ? Ok. Ok. Alors, pour commencer, je vais dire, ces salauds, pourquoi ils sont là ? Ensuite, je pose une question, une, pas plus, n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête, mais cordial. Et ensuite, je dis, je vois d'après vos réponses que vous n'avez jamais adhéré au parti nazi, c'est exact ? Ah, parfaitement exact ! Je n'ai jamais adhéré au parti nazi. Et ensuite, j'attends. Je dis rien, j'attends. Et alors là, ils se mettent à causer, mais alors, ils causent. Et que le chef est un type épatant. Et comment il a défié Adolphe, Hermann et Joseph. Ah oui, ils arrivent toujours à caser l'histoire de la baguette. Qu'est-ce que c'est, l'histoire de la baguette ? Bon, j'en ai interrogé combien, Amy ? 28. Donc ce type... Helmut Rhode. Rhode. Ce sera le 29e. Vous allez entendre l'histoire de la baguette pour la première fois, moi pour la 29e. Il se débrouille toujours pour obtenir le nom de famille d'Emmy. Quoi ? Bah, c'est pas vrai, Emmy. Straub. Seriez-vous de la famille de Joachim Straub ? Mon père, dit Emmy. Ah, voilà un grand homme. Un héros. Oui, mais vous comprenez ce qu'ils essaient de faire, David. C'est de noyer le patron sous les roses, mais il est difficile de sortir la rose quand on a rampé dans les chiottes. Et moi, j'étais dans les assurances avant la guerre, au service du contentieux. Et vous ? J'étais à l'université. Et quand tout ça sera terminé ? J'aimerais enseigner l'histoire. Oh, l'histoire ! Faut une bonne mémoire pour l'histoire. Ah oui, toutes les dates, les batailles. Bonne mémoire ? Pas mauvaise. Alors moi, j'ai une mémoire sensationnelle. Il y a même des psychologues qui m'ont fait faire des tests. Oui, mais à cause de ma mémoire, rien d'autre. Je me souviens de tout, Wills. C'est une plaie, vous pouvez me croire de tout. Les assurances. On m'a appris à repérer les témoignages à répétition. Allez, nous faisons entrer Monsieur Rhodes. Vous, vous asseyez là. Et n'oubliez pas, Wills, c'est moi qui cause. Monsieur Helmut Rhodes. Asseyez-vous, Helmut. Bien, alors Helmut, je veux que vous compreniez bien la raison de votre présence ici. Je suis chargé d'une enquête préparatoire sur Wilhelm Furtwängler, interdit d'apparition publique, et en attente de comparution devant le tribunal de la commission de dénazification des artistes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a fabriqué entre 1933 et la fin de la guerre. C'est clair ? Oui. Alors, j'ai ici vos réponses à notre questionnaire. Alfred Helmut Rhodes, second violon à l'orchestre philharmonique de Berlin depuis 1935. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, second violon, Helmut ? Ça veut dire que je n'étais pas assez bon pour être premier violon. Remarquez, pour être deuxième violon à la philharmonie de Berlin, il fallait déjà être plutôt très bon. Et d'après vos réponses, Helmut, vous n'avez jamais adhéré au parti nazi. Moi, jamais ! Jamais ! Je l'ai haïssé. Croyez-moi, je vous en prie, je sais bien qu'aujourd'hui, plus personne n'a jamais été nazi, mais en ce qui me concerne, c'est vrai. À 100% vrai. Je suis catholique pratiquant. Ça aurait été tout à fait contraire à ma conscience. C'est difficile d'expliquer ce qui se passait. La peur. Du matin au soir, la peur, même en dormant, la terreur. Au début, bien sûr, on s'opposait ouvertement. Je vous parle de 33, 34. Quand je repense aux choses que je disais, j'en frémis. Je racontais des blagues, mon Dieu, des blagues sur Hitler. Il y en avait une qui était très à la mode vers 33, 34. Deux vieux juifs se rencontrent. Il y en a un qui dit à l'autre, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Dis-moi d'abord la bonne. Hitler est mort. Et la mauvaise ? C'est pas vrai. Voilà le genre d'histoire que je racontais. Vous voulez que je vous parle du docteur Furtwängler ? C'est sans aucun doute l'un des hommes les plus courageux que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Pour tous les musiciens, c'est un dieu. Et, à mon humble avis de deuxième violon, c'est le plus grand chef d'orchestre vivant. Je n'ai jamais joué sous la direction d'Arturo Toscanini, c'est vrai, mais j'ai entendu des enregistrements et l'émotion n'est pas la même. Toscanini est un métronome. Le docteur Furtwängler est un artiste. Non. Wilhelm Furtwängler est indiscutablement un génie. Il n'a pas d'égal. C'est vrai que vous allez l'interroger aujourd'hui ? On dit tellement de choses dans Berlin. J'ai entendu dire... La rumeur est partout. Si on pouvait se nourrir de rumeurs, nous aurions tous le ventre plein. Si je peux me permettre, j'espère que vous faites attention à ce qu'il soit bien protégé. Il y a tellement de fous partout. Il a apporté du réconfort en des temps effroyables. Que demander de plus à un homme? J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voyez-vous le problème? C'était le salut nazi. Il se refusait catégoriquement à le faire. Et alors, je l'ai entendu comme je vous entends. Je l'ai entendu dire, je n'ai absolument pas à savoir s'il est là. Il répétait ça sans arrêt, en boucle. Mais comment éviter de faire le salut du démon quand Satan en personne est dans la salle? Vous savez qui a trouvé la solution? J'ai dit, maestro, pourquoi ne pas entrer en tenant votre baguette dans la main droite? Hitler sera au premier rang. Si vous saluez avec la baguette, on aura l'impression que vous voulez lui crever un œil. Il m'a été très reconnaissant de cette idée. Il est monté sur le podium, la baguette dans la main droite. Il ne pouvait donc pas saluer. Il s'est simplement incliné rapidement. Il s'est tout de suite tourné vers nous. Et les applaudissements n'étaient pas terminés qu'il nous avait déjà donné le signal du départ. Je vais vous faire une confidence. Après le concert, j'ai fait quelque chose de pas très joli. J'ai volé la baguette. Pour la garder en souvenir, je l'ai toujours. J'aurais dû la porter pour vous la montrer. Remarquez, c'était toujours un sujet de plaisanterie dans l'orchestre. La baguette de maestro. Il a une technique assez à part. Il balère, il balance, il ondule. Dieu sait à quel moment on est censé entrer. Sa battue de départ. C'était toujours un sujet de moquerie. Les autres musiciens nous demandaient, mais comment savez-vous quand commencer les doubles croches du début de la neuvième? On répondait, dès que le maestro entre, tout le monde fait trois fois le tour de sa chaise, on s'assied, on compte jusqu'à 10, et on commence à jouer. Ou alors, quand on n'en peut plus. Et pourtant, personne au monde ne sait faire naître un son comme lui. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, Fräulein. Straub. Straub? Seriez-vous de la famille du colonel Joachim Straub? Mon père. Je suis très honoré d'être en votre présence, Fräulein Straub. Votre père était un vrai patriote. Un homme de Dieu. Requiescat in pacem. Non, non, je tiens à le dire, et je suis catégorique. Wilhelm von Wengle n'a pas servi le régime. Personne dans l'orchestre n'a servi le régime. Pardonnez-moi si je me permets une considération philosophique, mais Wilhelm von Wengle est pour le monde entier l'incarnation de tout ce qui est grand dans la culture et dans la musique. Les nazis avaient besoin de lui pour se faire une respectabilité. Monsieur Rode, il y a une photo, n'est-ce pas? Du docteur Furtwängler serrant la main de Hitler. Comment expliquez-vous ça? Mais, c'est le concert dont je vous parlais, le programme Beethoven. Comme je vous l'ai dit, Hitler était au premier rang, mais brusquement. À la fin du concert, il se lève, il monte sur le podium et il tend la main au maestro. Le maestro l'a prise, que vouliez-vous qu'il fasse? Ça ne va pas plus loin. J'étais témoin. C'était sans aucun doute un geste prémédité, pas du tout spontané, parce qu'ils voulaient avoir le maestro dans leur camp. Alors, ils avaient prévu des photographes, et le maestro a dû serrer la main à Satan. Que vouliez-vous qu'il fasse? Ça ne va pas plus loin. Et il n'a pas non plus dirigé des Meistersinger pour le congrès du parti en 1935 à Nuremberg. Nous l'avons joué la veille du congrès. Séparer l'art et la politique, c'était le credo du maestro. La musique n'a rien à voir avec la politique. C'est comme pour l'anniversaire de Satan. C'était la veille, le 19 avril, pas le 20. Et là, le maestro s'était fait piéger. D'habitude, il se débrouillait pour que ses médecins lui diagnostique une spondylite, c'est une inflammation des vertèbres dans le dos et dans la nuque. C'est courant chez les chefs d'orchestre, c'est très douloureux, mais pour l'anniversaire de Satan en 1942, Goebbels est arrivé le premier, chéri médecin. Et là, C'était fichu. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que l'an dernier, juste avant la fin de la guerre, le maestro a été obligé de passer en Suisse parce qu'il avait appris que la Gestapo était sur le point de l'arrêter. Ah non, nous parlons d'un homme bon, d'un homme honnête et du plus grand chef d'orchestre de ce temps. Monsieur Rode, vous n'êtes entré à la Philharmonie de Berlin qu'en 1935. Où étiez-vous avant ça? Je faisais partie d'un autre orchestre à Mannheim. Mais en 1935, des places se sont libérées ici, à Berlin. J'ai passé une audition. Mais d'un autre côté, le docteur Furtwängler a été très bon avec les Juifs. Il a aidé beaucoup de Juifs à sortir d'Allemagne. Des Juifs qui ne pouvaient plus rester dans l'orchestre. Et encore, il s'est battu pour les garder le plus longtemps possible. Sa secrétaire, Bertha Geismar, était juive. Il se reposait énormément sur elle. Finalement, il a dû l'aider à fuir, elle aussi. Elle est en Angleterre, je crois. C'est la secrétaire de Sir Thomas Beecham. C'est aussi un chef d'orchestre, mais ce n'est pas le docteur Furtwängler. Vous connaissez Hans Hinkel, Helmut? Si je la connais, Hans Hinkel. Oui, c'est ce que je vous demande. Si je connais Hans Hinkel. Apparemment, vous avez compris la question. Alors, si vous y répondiez maintenant. Mais comment je connaîtrais un tel homme? Hans Hinkel était au ministère de la Culture. Comment aurais-je pu connaître un tel homme? Il paraît qu'il tenait un fichier, des dossiers, des archives. Vous savez ce qu'il y a dans le fichier, mon commandant? J'allais vous le demander. Ah, moi, ben, comment je pourrais savoir ce qu'il y a dans le fichier? Et tout ce que j'ai entendu dire, c'est que... il y a des lettres de gens qui jurent fidélité au régime. C'est tout ce que je sais. Moi, mon opinion de deuxième violon, pour ce qu'elle vaut, c'est que Hinkel n'était en fait qu'un petit fonctionnaire subalterne. Il n'y aura rien d'intéressant dans son fichier. Vous pouvez y aller, Helmut. Ça y est? La porte, Helmut. Maestro. Commandant. Oui. Il est là? Oui, eh bien lui aussi, on va le faire mariner un peu. Et voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de la baguette. Oui, c'est... mais le capitaine Greenwood a raison pour ce qui est de la solidité des preuves. Émy, allez nous chercher du café. Émy, n'en proposez pas au chef de clique. Vous ne le saluez même pas, compris? Je vais vous dire une chose, David. La solidité des preuves, on s'en fout, parce que moi, j'ai la question à laquelle il lui sera impossible de répondre. J'ai quelque chose d'important à dire concernant Wilhelm von Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Eva Müller. Asseyez-vous, Madame Müller. Müller. Madame Müller. Pardon. Asseyez-vous. Je vous en prie. Vous n'avez pas le droit. Je leur en ai parlé à Wiesbaden. Ils ont dit qu'il fallait que je vous le dise. J'apporte un témoignage important. Vous comprenez? J'essaie de trouver une preuve que ma fille et mon gendre, Walter Sachs, ont existé. Le docteur Furwanger pourrait m'apporter cette preuve. Votre gendre était-il un de ses amis? Non, mon gendre, Walter Sachs, était le jeune pianiste le plus doué de sa génération. Travailler ensemble, peut-être? Non, non, justement. Le docteur Furtwängler m'a parlé. Il voudrait savoir si on va le faire attendre encore longtemps. Ah, ben David, je vous laisse faire. Il semble que vous ayez des affinités avec Madame Müller. Madame Müller, tout ce que vous direz restera strictement confidentiel. Mais je ne veux pas que ce soit confidentiel. Je veux que le monde entier le sache. Quand je vous ai demandé si votre gendre et le docteur Furtwängler étaient confrères, vous avez répondu non, justement. Qu'entendiez-vous par là, exactement? Moi, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Ça m'est sorti de la tête, mais j'ai une liste, là. Ah, pourquoi j'ai apporté cette liste? Vous préférez que je vous pose des questions? Ma fille était étudiante en philosophie à l'université, ici, à Berlin, en 1932. Elle avait 18 ans. Elle a été invitée à un récital chez des gens pour écouter un jeune pianiste. C'était chez Madame Mira Samuel, un grand professeur de piano. Le jeune pianiste s'appelait Walter Sachs. Il avait 17 ans. Elle est tombée amoureuse de lui rien qu'en l'écoutant jouer. Ils se sont mariés. Mais il était juif, alors que ma fille ne l'était pas. Bah, dites-nous simplement le rôle de Furtwängler dans tout ça. Mais ce que vous faites est scandaleux, vous le savez. Alors qu'est-ce que nous faisons? Et vous faites comme eux. Et qu'est-il arrivé à votre gendre et à votre fille? Ils sont morts. À Auschwitz. C'est en Pologne. Je ne sais pas la date exacte. Et pour le docteur Furtwängler? Ils ont été avertis que mon gendre devait être arrêté dans la semaine. Ils n'avaient pas d'argent, pas de relations. Ils ont couru chez Mira Samuel pour lui demander de l'aide. Le soir même, elle leur a fait passer un message. Soyez à telle adresse à minuit. Bon, c'était un sous-sol, une ancienne boîte de nuit fermée. Mira Samuel a ouvert. Près d'elle se tenait un homme. Je vous présente Wilhelm Furtwängler. Il va vous écouter. Sur un vieux piano droit, un vieux Bechstein désaccordé, Walter a joué à peine 3 minutes d'une sonate. Tout à coup, le docteur Furtwängler s'est levé, il a dit « Je vais essayer de vous aider !» Et il est parti très vite. Le lendemain, ils ont reçu une autorisation de sortie officielle de quitter le pays. Ils ont pris le train pour Paris, Walter commençait à se faire un nom, et en juin 1940, ils ont été déportés. Mais ma fille n'était pas juive, son nom de jeune fille était Müller et... Ah, mais oui, c'est ça. J'ai une liste, là. J'ai une liste. Ludwig Misch, Félix Lederer, Joseph Krips, Arnold Schomberg. Des dizaines et des dizaines de personnes qu'il a aidées. Il a aidé Walter Sachs, mon gendre. Certainement le pianiste le plus doué de sa génération. Et je continuerai à chercher, j'en trouverai d'autres. Je produirai des témoignages parce que je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez l'anéantir, n'est-ce pas? Vous voulez le faire monter sur un bûcher et le brûler vif? Nous essayons simplement de découvrir la vérité. Et comment voulez-vous découvrir la vérité? Ça n'existe pas, la vérité. Quelle vérité? Celle des vainqueurs, celle des vaincus, celle des victimes, celle des morts, la vérité de qui? Non, non. Détruire un seul homme bon aujourd'hui, c'est rendre l'avenir impossible. Oh, s'il vous plaît, je voudrais le voir. Je veux savoir s'il se souvient de ma fille et de Walter. Non, Madame Müller, pas aujourd'hui. Vous vous allez le brûler vif, n'est-ce pas? Oh, voyons, Eva, je ne suis qu'un simple officier chargé d'instruire un dossier. Je n'ai pas le pouvoir de brûler qui que ce soit, même si j'en avais envie. Alors voilà mon numéro de téléphone. Vous m'appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nourriture, médicaments, cigarettes, n'importe quoi. D'accord? Ça vous va? Vous allez le brûler, vive! Bon, Émile, il faut sortir Eva par la porte de service. Mais vous voulez la liste, j'en ai une copie. Non, gardez-la et la copie avec, mais merci quand même. Ah nom de Dieu, on va se le faire. Et on va se le piquer sur un bouchon comme un papillon. Quoi? Quoi, vous comprenez pas, hein? Non. Non, je ne comprends pas pourquoi une liste de gens qu'il est censé avoir aidé ne ferait pas partie. David, le mois dernier, j'étais à Vienne et j'avais avec moi un chauffeur autrichien, Max. Alors lui avait été dans les camps. Vous regardez les Viennois qui fouillaient dans les décombres. Et je lui ai dit, quand je pense que tous ces gens... Et tiens, 1 million à crier « Heil Hitler !» Hein, le jour où Adolf est entré dans la ville. 1 million. Et maintenant, regardez-les. Et Max m'a répondu « Mais non, mon commandant. Si vous les interrogez ce jour-là, ceux-là, eh bien, ils étaient tous chez eux, avec un juif caché dans leur grenier. Vous voyez où je veux en venir? C'est tous des merdes, David. Tous et sans exception. » Si je peux me permettre, mon commandant, je ne crois pas qu'on puisse ranger le docteur Furtwängler dans la même catégorie. C'est l'un des plus grands chefs d'orchestre du monde. David, j'étais au QG d'Eisenhower, j'interrogeais les prisonniers de guerre, ils m'ont convoqué. Tu as déjà entendu parler de Wilhelm Furtwängler? Ah, j'ai dit non. Et Toscanini, bah oui. Toscanini, oui, bien sûr, Toscanini. Et Stokowski, tu connais? Bah oui, je connais. C'est un vieux type qui a des cheveux blancs, on dirait le grand-père d'Arpo Marx. Ben c'est ça, c'est lui. Eh bien, le Furtwängler en question, il est encore plus grand que les deux autres. Chez nous, il serait aussi célèbre que Humphrey Bogart ou Rita Hayworth. Eh ben merde, j'ai dit, et moi, qu'il ne le connaît même pas. Eh bien, Steve, c'est pour ça que c'est toi qui vas là-bas, ils m'ont répondu. Qui ils, mon commandant? Qui quoi? Et qui sont les ils qui vous ont envoyé? Les ils qui vous ont mis sur ce dossier? Il n'y a pas de ils. Je fais mon boulot, c'est tout. Et n'oubliez jamais qu'on a affaire à des dégénérés. Mon commandant... Ah, soyez sympa, appelez-moi Steve. Ne me traitez pas comme si je n'étais pas de votre bord. Ah, mais si je fais ça, David, c'est parce que je ne sais pas encore de quel bord vous êtes. Je prends ça pour une insulte. Tant pis, moi ce qui m'intéresse, c'est de coincer ce salaud. Venez-y, lui a trouvé une voiture? Oui. Ok, alors on y va. Amy, amenez-le moi. Le docteur Wilhelm Furtwängler. Personne ne vous a invité à vous asseoir, que je sache. Mon nom est Steve Arnold. Voici David. Asseyez-vous là, vieux. Bien, alors Willem, je veux que vous compreniez bien les raisons de votre présence ici. Vous êtes interdit d'apparition publique en vertu de la directive numéro 24 de la commission de contrôle interallié, dans l'attente de votre comparution devant le tribunal de la commission de dénazification des artistes. Alors, est-ce que c'est bien clair? J'ai déjà été disculpé par un tribunal de dénazification en Autriche. Or, ce que l'on fait en Autriche ne m'intéresse pas le moins du monde, ok? Alors j'ai ici vos réponses à notre questionnaire. Gustav, Henrik, Ernst, Martin, Wilhelm von Wangler. Vous êtes né à Berlin en 1886 et vous êtes chef d'orchestre symphonique. Et vous dites ici que vous n'avez jamais adhéré au parti nazi. C'était que ça. Foutre Dieu, vous n'allez pas nous la raconter, l'histoire de la baguette? L'histoire du conseiller de l'État de Prusse, vous ne voulez pas la raconter non plus? Et comment on a pu nommer conseiller d'État quelqu'un qui n'a jamais adhéré au parti? Vous allez me le dire, ça? Mais j'ai reçu un télégramme d'Hermann Göring, alors premier ministre de Prusse. C'était en 33, où il m'annonçait qu'il m'avait nommé conseiller d'État. On ne m'a pas laissé la possibilité d'accepter ou de refuser. Après les terribles événements de novembre 38, des attaques sauvages contre les Juifs, j'ai cessé de me prévaloir du titre. Formidable ! Alors vous avez cessé de vous prévaloir du titre, formidable. Et le titre de vice-président de la Chambre de musique du Reich, vous l'avez utilisé, celui-là, non? Ah oui, mais je suppose que là non plus, vous n'avez pas eu le choix. Je suppose que Joseph vous envoyait un télégramme. Très cher monsieur, le vice-président... Non, je ne pense pas que Joseph Goebbels m'ait envoyé un télégramme. On me l'a simplement fait savoir. Par lettre, je crois. Je ne me souviens pas exactement. Ah, vous ne vous souvenez pas exactement. Bien. Et putain, entre Hermann et Joseph, on peut dire que vous crouliez sous les honneurs, non? Alors, comment vous expliquez ça? Mais il y avait une lutte permanente entre Göring et Goebbels pour le contrôle de la culture. Les gens comme moi ou Richard Strauss, nous étions des pions. De toute façon... J'ai démissionné de la chambre de musique en même temps que de mon poste de directeur musical à l'orchestre philharmonique de Berlin en 34. Et pourquoi ça? Pourquoi avez-vous démissionné, docteur Furtwängler? Ils ont pris le pouvoir en janvier 33. En avril, j'ai envoyé aux journaux une lettre ouverte où je condamnais leur attitude envers la musique. Les distinctions qu'ils faisaient entre juifs et non-juifs. Pour moi, il y a une seule distinction en art, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les grands artistes sont rares. Et aucun pays ne peut s'en passer, sous peine de causer des dommages irréparables à sa vie culturelle. Des hommes comme Otto Klammerer, Bruno Walter, Max Reinhardt devaient avoir le droit de servir le rat ici, dans ce pays. Et alors, vous avez démissionné? Non, pas tout de suite. La crise a éclaté quand Goebbels a décidé d'interdire un opéra de Pauline de Mitte. Matisse le peintre, que les nazis qualifiaient de musique bolchevique infectée de juiverie. Une ânerie de ce genre. Là encore, j'ai écrit aux journaux, là encore, je les ai critiqués. En représailles, Goebbels a fait un discours où il dénonçait ma déloyauté envers le régime. C'est à ce moment-là que j'ai démissionné de tout, je me suis retiré de la vie publique et je me suis remis à composer. Ma véritable vocation, j'ai toujours professé que l'art et la politique devraient être totalement séparés. Alors pourquoi avoir dirigé votre orchestre pour le congrès de Nuremberg ? Alors, je n'ai pas dirigé pour le congrès. J'ai dirigé la veille du congrès. Non, alors ça me rappelle les clauses écrites en tout petit caractère au bas de nos polices d'assurance. Je n'ai rien eu à voir avec le congrès. Bon, le 19 avril 42, la veille du 53e anniversaire d'Adolphe, la grand-messe. Ah, vous avez bien dirigé pour Adolphe, non? Ça correspondait à votre conviction de séparer l'art et la politique? Ah, ce n'était pas la même chose. Oh, ce soir, oui. J'ai été piégé. Ah, comment ça? J'étais à Vienne, je répétais la 9e de Beethoven quand Goebbels a appelé pour dire que je devais diriger pour l'anniversaire de Hitler. Je m'étais toujours arrangé pour me dérober à ce genre d'invitation en invoquant un engagement préalable, une maladie. Que sais-je, j'avais la chance que Baldur von Girard, qui contrôlait Vienne, déteste Goebbels et soit prêt à tout pour contrecarrer sa volonté. Il m'avait souvent aidé par le passé, en disant qu'il avait réservé mes services le premier. Mais cette fois-là, en 42, Goebbels m'a devancé chez mes médecins. Il leur a fait peur. Von Girard a été menacé et brutalisé. Et il a fini par céder. Je n'avais pas le choix. J'ai dû diriger pour Hitler. Croyez-moi, je savais que j'étais en train de me compromettre. Et je le regrette profondément. Alors c'est comme ça que vous avez été piégé. Et moi, je n'appelle pas ça vraiment un piège. Le piège, c'est qu'ils ont fait pression avant que j'aie eu le temps de manœuvrer. Ils ont su aussi bien que moi que je n'avais pas plié les chines. Je dirais plutôt que vous avez passé un marché. Je n'ai passé aucun marché. Mon seul souci était de maintenir la musique à son plus haut niveau. C'était ma mission. Je ne suis pas preneur, Erfurt Wangler. C'est la vérité. Vous vous souvenez d'un pianiste qui s'appelait Walter Sachs? Un jeune pianiste juif. Non. Un élève de ? Mira Samuel. Ah, oh, j'ai connu Madame Mira Samuel. Aucun souvenir d'un élève à elle qui aurait joué pour vous dans un sous-sol ici à Berlin. Vaguement. Comment s'appelait ? Sachs. Sachs. Oui, sa belle-mère voulait vous remercier d'avoir aidé son gendre. Vous lui avez obtenu un laissez-passer pour Paris. Comment vous avez fait, Willem? Oh, je ne m'en souviens pas. Il n'y en a eu tellement. Ouais, non, mais je sais, vous avez des comme ça un tas de gens, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment vous y êtes pris. Vous avez passé un coup de fil à une de vos relations. C'est possible. Comme je vous l'ai dit, je ne m'en souviens pas. Bon, bah alors moi, je vais essayer de deviner. Alors, vous prenez un téléphone. Allô? Oui, Adolphe? Oui, c'est Willem. Dis donc, vieux, je voudrais que tu files un coup de main, petit pianiste juif. Bah oui, il faudrait un laissez-passer pour Paris. Oh, c'est drôlement sympa, Adolphe. Dieu te le rendra. Merci, Adolphe. Et Anne! Putain d'Hitler de merde. Ou peut-être que vous appeliez Armand ou Joseph, parce que voyez-vous, moi je crois que vous avez passé un marché. Vous avez serré la main du diable et vous avez fini cul et chemise avec lui et ses cordes. Et tellement cul et chemise qu'au chiotte, vous aurez pu le torcher. Amy, vous prenez en sténo avec le doigt dans les... Amy! Amy Straub. Une fille très sensible. Alors d'après vous, Willem, vous avez des comme ça, combien de juifs? Je n'en ai aucune idée. Tant que ça. Je ne vais pas me défendre en claironnant des chiffres. Puis-je poser une question? Bien sûr. Quand mon cas sera-t-il déféré au tribunal? Vous en savez autant que moi. J'ai vu récemment vos collègues de Wiesbaden, les autorités d'occupation américaines chargées de ma défense. Ils ont été très polis et très serviables. Ils m'ont dit... Mais si c'est pas Wiesbaden, et moi, je ne suis pas là pour vous défendre. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner ma vie. Je survis grâce à la générosité de quelques amis. Ah, c'est dur, hein, mais ces choses-là, Willem, vont prendre un peu de temps. Alors pourquoi, dites-moi pourquoi, un autre chef d'orchestre que lui était vraiment au parti, je crois qu'il s'est inscrit deux fois, pourquoi est-ce que lui a déjà été blanchi? Il retravaille. Alors que moi, je dois attendre et attendre encore et encore. Je ne sais pas de qui vous parlez, c'est pas moi qui ai suivi le dossier. Et pourquoi, dites-moi pourquoi, au moment même où nous parlons, certains scientifiques nazis de haut rang sont transférés aux États-Unis pour travailler à des missiles et autres carburants pour fusées. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle des prises de guerre, Willem. Pourquoi vous êtes-vous réfugié en Suisse en janvier de l'année dernière? Pardon? Pourquoi vous êtes-vous réfugié en Suisse l'année dernière? Parce que j'avais appris que la Gestapo était sur le point de m'arrêter. Pourquoi voulait-il vous arrêter? Je crois que c'est à cause d'une autre lettre que j'avais écrite à Goebbels où je déplorais le déclin du niveau musical du fait de la politique raciale. Ah, vous ne déploriez pas la politique raciale? Mais uniquement le déclin du niveau musical, c'est bien ça. Comment avez-vous appris que la Gestapo était après vous? Pendant une interruption, à cause d'une panne de courant, lors d'un concert, Albert Speer m'a dit: vous avez mauvaise mine, maestro. Vous devriez partir à l'étranger quelque temps. J'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Attendez, Albert Speer, hein, aujourd'hui à côté de votre autre copain, le chef des jeunesses hitlériennes, Balbur von Schirach, dans le box des accusés, à Nuremberg, également pour crime contre l'humanité, Albert Speer, le ministre de l'armement. Eh ben, mon vieux, vous en connaissiez, hein, des gens haut placés. Il serait plus exact de dire que beaucoup de gens haut placés me connaissaient. Faites pas le malin avec moi, parce qu'on dirait bien que tous vos amis sont une bande d'ordures et de criminels. Alors, Willem, dites-moi la vérité, c'était quoi votre numéro de parti? Si vous comptez me brutaliser de cette manière, commandant, vous feriez bien de réviser vos leçons. Vous ne vous rendez manifestement pas compte de la stupidité et de la grossièreté de vos propos. Oh, vous vous souvenez, David? J'avais une question pour Willem à laquelle il lui serait impossible de répondre. Bien, je vais la poser. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti dès le début? Quand Adolphe est arrivé au pouvoir, en 33, j'ai ici des noms de gens qui sont dans votre job, qui, eux, ont foutu le camp en 33. Otto Klemperer, Bruno Walter, Max Reinhardt... Hey, ils étaient juifs. Ils étaient obligés de partir. Ils ont bien fait de partir. J'aime mon pays et j'aime mon peuple de toute mon âme. Je ne pouvais pas abandonner mon pays au plus profond de la misère. Partir en 33 ou 34, c'eût été une honte. Je suis resté ici pour veiller à ce que la grande tradition musicale demeure inchangée, qu'elle soit intacte à l'heure où nous nous réveillerions de ce cauchemar. Ben, vous avez entendu, David. Il ne peut pas répondre à la question. Alors je vais vous la reposer et arrêtez de me fourguer votre rhétorique à la con. Je vous ai donné mes raisons, commandant. Et tout ce que j'espère, c'est que vous serez aussi sévère avec des artistes qui sont restés dans leur pays. Shostakovitch, Prokofiev, Eisenstein, surtout Eisenstein, avec ses films à la gloire de la tyrannie. Mais tous, on pourrait les accuser de glorifier la tyrannie. Alors, jamais entendu parler, ils ne sont pas sur ma liste. Non. Non, mon commandant, ce sont des Russes. Des Russes. Alors maintenant, les Russes. Secrétariat du commandant Arnold. C'est le commandant Richards pour le lieutenant Wills. Wills? Oui. Bien. Le commandant Richards voudrait vous parler. Sacrée hiérarchie. J'en ai suffisamment supporté. Je m'en vais. Je ne pense pas que ce soit la chose à faire. Docteur Furtwängler, quand j'avais 10 ans, en 32, mon père, qui était éditeur, m'a permis de l'accompagner en voyage d'affaires à Berlin. Le deuxième soir, il m'a emmené à la Philharmonie. Le concert se terminait par l'ouverture de Tannhauser. Vous m'avez ouvert les portes d'un monde nouveau. Non, Richard. Plus qu'un monde, c'était comme si je me réveillais après un long sommeil. Vous m'avez laissé entrevoir un endroit où le malheur n'existe pas. Depuis que je vous ai entendu pour la première fois, la musique a été mon plus grand réconfort. Et j'en ai eu besoin. Je vous remercie. Moi aussi. Allez. Pareil. Okay. La même chose, merci. Straub. Ah, David, il faut rendre justice aux Anglais, ça, je dois le dire, ce sont des gentlemen. Dites-moi, Willem, vous connaissez Hans Hinkel? Si, je connais Hans Hinkel. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à répéter cette question? Si je connais Hans Hinkel, oui, je le connais, c'est un être abject. Demandez à Bruno Walter. Au ministère de la Culture, il était chargé de se débarrasser des Juifs. Et comme les artistes les plus doués étaient invariablement juifs, il avait fort à faire. Je pourrais vous raconter en détail la façon dont il a persécuté ma secrétaire, Bertha Gessmar, qui était juive. Je crois qu'on parle bien du même. Et vous savez ce qu'il faisait? En plus, la petite frappe, il tenait des dossiers. Près de 250 000 fiches. Et vous savez ce qu'il y a dans ces dossiers? Mais comment voulez-vous que je le sache? Ces dossiers vont nous dire qui informait, qui rendait des services, à quel moment vous avez tous adhéré au parti. Et mieux que ça, ils sont bourrés de lettres d'amour à vos vieux copains Adolphe, Hermann et Joseph. Une vraie caverne d'Ali Baba. Sacré bonhomme, ce Hinkel. Je souhaiterais partir maintenant. Ça, je veux bien le croire. On le tient. Oh putain, Amy, donnez une liste des prochains témoins à David et apportez-moi du café, s'il vous plaît. Non mais coupez-moi ça. On s'entend plus penser. David, coupez-moi ça. Et maintenant, mon commandant, devinez ce que je tiens dans ma main. Ta queue. Ah non, enfin, voyons, devinez. Vous aimez les devinettes ? Oh, j'adore. Non, mais je donne ma langue au chat. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main, Helmut ? Pas de Freudenstaub ? Bah non, je voulais te voir entre Kadji et Helmut, juste toi et moi. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ? Vous ne devinez pas. Non, mais un petit bonhomme, lui, ouais, une canne d'aveugle. Non, mon commandant, ce n'est pas une canne. C'est une baguette. Une baguette de chef d'orchestre. C'est la baguette, mon péché secret, la baguette que j'ai volée au maestro. Non, regardez-moi ça, je tiens dans ma main la baguette. Montre-moi, Helmut. Comment ça ? Oui, montre-moi, je veux voir comment tu fais. Allez, baguette dans la main droite et tu fais le salut. Ah non, non, non, mon commandant, je n'aime pas faire le salut. Si, fais-le. Non, non, fais-le comme il faut. C'est que ça te va drôlement bien, Helmut. Je vois ce que tu voulais dire, tu as failli me crever un œil. Exactement. Mon commandant, vous pouvez peut-être me rendre un service. Si vous devez revoir le docteur Fortwängler, vous seriez gentil de la lui remettre. Après tout, elle est à lui. Mais je vous en prie, ne lui dites pas que c'est moi qui l'avais pris. Ne t'inquiète pas, ça sera notre petit secret. Vous travaillez tard ce soir. D'habitude, vous ne recevez pas les gens si tard. Ouais, et tout ça par pure philanthropie, Helmut. Hein, ou tu préfères que je t'appelle 1-0-4-9-3-3-1 ? Pardon ? 1-0-4-9-3-3-1 ? Ça t'ennuie pas si je dis juste 1-0 ? Le salaud ! Le salaud ! Mais c'est qui le salaud, Helmut ? Inkel ? Il avait dit qu'il n'y aurait pas de traces. Ah, il avait promis de supprimer ton dossier. Mais tu croyais quoi? Qu'on n'avait pas découvert que tu étais l'homme du parti au sein de l'orchestre? Un homme d'Inkel? Ça ne se fait pas comme ça. Toi, tu n'as qu'un seul numéro au parti. Il y a un type qui s'appelle Herbert von Karajan, et ben lui, il en a deux. Au fait, pourquoi crois-tu qu'il s'est inscrit deux fois? Une fois en Autriche et une fois en Allemagne. Il avait une grosse tendresse pour eux, non? Alors vas-y, 04-9331, vas-y. Cause! Vous ne savez pas ce que c'est que de se réveiller tous les matins face à un pouvoir si terrible, si énorme, qu'on ne peut plus avoir qu'une seule idée en tête. C'est qu'il faut en faire partie si on ne veut pas être dévoré. Et il y a autre chose que vous ne pouvez pas comprendre. Le pouvoir absolu offre la certitude absolue et l'espoir absolu. Alors t'inquiète pas de ce que je comprends ou pas. Vous ne pouvez pas imaginer, vous n'imaginez pas une seconde à quel point ce pouvoir était corrompu et corrompu et corrupteur. Vous n'avez jamais vécu sous le règne de la terreur. On commence par censurer ses paroles, puis on censure ses pensées, et on finit par censurer même ses sentiments. Et c'est le comble de la déchéance. On n'est plus qu'une enveloppe qui obéit. Et en ce qui me concerne... Oui, alors, en ce qui te concerne... Ça a commencé le jour où j'ai soudain compris... Oui. ...que je ne suis pas le meilleur violoniste du monde. Non, sans blague. Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je ne me serais imaginé ne serait-ce que deuxième violon à la Philharmonie de Berlin. Quand ils ont vidé des juifs de l'orchestre, ça a libéré des places pour des gens comme moi. Je trouvais ça juste. Je peux retracer mes ancêtres jusqu'au XIIIe siècle. Je me suis laissé dire que beaucoup de juifs pouvaient remonter bien plus loin. Je vous ai menti. Ah là, tu me surprends, Helmut. Non, non, je veux mettre les choses au clair. Je vous ai dit que c'était moi qui avais suggéré au patron de prendre sa baguette dans la main droite. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'était pas moi. C'était une idée de Franz Jastram. Notre régisseur d'orchestre. Eh ben voilà qui change tout, Helmut. Je me demande si le maestro sait seulement que j'existe un deuxième violon. Un chef d'orchestre, c'est un dictateur, lui aussi. Je voulais être à lui. L'orchestre est un symbole, vous comprenez? À cette philosophie, hein, s'il te plaît, Helmut. Moi, je suis prêt à te donner du boulot. Demain, ici même, dans ce bâtiment. Mais il me faudrait quelque chose en échange, tu comprends, Helmut? Je croyais trouver un bon gros dossier sur le maestro, mais non, je n'ai trouvé qu'un tas de lettres demandant à Joseph d'aider un pauvre juif par-ci, un pauvre juif par-là. Oui, on racontait qu'il ne restait pas un juif en Allemagne, que Fort Weng n'est pas aidé. Bon, écoute, Helmut, moi je suis prêt à te donner une lettre. Je t'accorde... liberté de circulation. Liberté de travail. La liberté, Helmut. Il est antisémite, bien sûr. Bah bien sûr, comme toi. Il me faudrait des faits, Helmut. Mon commandant, nous parlons d'un homme de génie. J'en ai rien à foutre. Ah, ce type était leur emblème. Il tenait peut-être la baguette, mais c'est eux qui dictaient la musique. Alors tu vas parler, Helmut. Tu vas parler. Vittorio De Sabata. Ça vous dit quelque chose? Non. Un chef d'orchestre de premier plan. Fort Wengler a dit quelque chose comme... Il est indécent que ce juif, De Sabata, dirige du Brahms. Ça, c'est pas vraiment renversant, Helmut. Il y aurait une lettre... Ah, alors là, là, j'entends du violon, j'adore les lettres. Elle doit être quelque part dans le fichier Hinkel, adressé au ministre de la Culture, Werner Troost. Pleine du genre de choses que vous cherchez sur Arnold Schoenberg, un juif. Vous voyez qui je veux dire? Compositeur, contemporain, atonal. La date de la lettre? Assez tôt, je crois. Avant la guerre. Mais je viens de penser à autre chose. Fort Wengler a envoyé un télégramme à Hitler. C'est vrai? Pour son anniversaire. Tu vas mettre tout ça par écrit, Helmut. Par écrit. des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais faites-le parler de Von der Noll. Edwin Von der Noll, critique musical. Il a fait des critiques épouvantables sur Fort Weng, alors qu'il encensait Herbert von Karajan. Il appelait Karajan le petit miracle. Fort Weng était hors de lui. Et on dit qu'il a fait mobiliser Von der Noll. Si vous voulez vraiment avoir Fort Wengle, faites-le parler de Herbert von Karajan. Vous remarquerez qu'il ne peut même pas se décider à prononcer son nom. Fort Wengle ne l'appelle jamais que K. Et faites-le parler de sa vie privée. Sa vie privée ? Je l'ai. Épatant. Les Anglais ont été très efficaces, vous savez. Ils ont créé une vraie station radio. Ils m'ont trouvé tout de suite, ça n'a pas pris plus de 10 minutes. Et je suis tellement contente que vous commenciez à vous intéresser à la grande musique. Il s'agit que d'un seul disque, Amy, ne vous faites pas trop d'illusions. Oui, mais la 7e symphonie de Bruckner, même pour moi, c'est difficile. Voulez-vous l'écouter tout de suite ? Ah non, pas tout de suite. Vous savez ce que l'on appelle le mouvement lent ? Bien sûr. Voilà, ben c'est celui-là que j'aime entendre. Alors mettez-le sur le pick-up et je vous dirai quand le passer. Je n'aurais jamais pensé que vous demanderiez à écouter du Bruckner. Eh ben peut-être que je me ramollis ou alors c'est la canicule. Pas trace du chef de clique ? Non. Il n'est pas arrivé, mais il n'est pas encore 9h. J'aimerais tellement que vous l'appeliez le docteur Fort Wengle. Vous êtes nerveux, commandant ? Non, j'aimerais tellement que vous m'appeliez Steve. Non, je ne suis pas nerveux, je ne dors pas, je fais des cauchemars. Alors, si vous préférez sortir de la pièce pendant que je lui parle, ça ne me dérangera pas. Hein, ce que j'ai à lui dire pourrait vous contrarier. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Ben, allez vous promener, mais il fait un temps magnifique. Allez au Tiergarten. Il doit bien rester encore debout 2-3 heures. Commandant, c'est quand vous évitez de répondre à mes questions que vous me contrariez. Garde à vous ! Sécurité militaire. Attention, Amy, il va peut-être vouloir vous palper. Une femme a déposé ça pour vous, mon commandant. Quelle femme ? Je ne sais pas son nom. Elle a parlé au sergent Adams à la porte et il m'a donné ça en disant que c'était pour vous. Mais tu l'as vu ? Ben oui, bien sûr. J'étais ici, le sergent Adams était là. Non, mais elle était comment ? Vieille, jeune, grosse, maigre, grande, petite. Non. Ok, très drôle. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans le paquet ? Je ne sais pas, mon commandant. Le sergent Adams m'a dit que c'était pour vous. Mais bon Dieu, Helmut, tu es agent de sécurité ou quoi ? Le sergent Adams m'a dit de fouiller les gens, pas les colis. Mais c'est pas vrai. Mais pas étonnant que tu sois resté deuxième violon. Hein, une femme laisse un paquet pour moi, faut être un peu curieux, voir ce qu'il y a dedans. Curieux ? Mais pourquoi ? C'est à vous qu'il a adressé, mon commandant. Mais parce que ça pourrait être une bombe, putain, Helmut ! Une bombe, vous croyez ? Oui, je crois. Ouvre. Ben, ouvre, c'est un ordre. Mais si c'est une bombe, est-ce que vous ne devriez pas vous mettre à l'abri ? Ouvre. Eh bien, vas-y, tâte à l'intérieur. Allez, allez, vas-y, Helmut, tâte, évite-le. Non, par terre, Helmut. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est peut-être des lettres de vos admirateurs. Je me souviens, avec le patron... Fais attention, Helmut. Fais attention. Amy, allez voir ce que c'est. Helmut, retourne à ton poste. sont toutes adressées à Madame Eva Müller. Et elles sont toutes ouvertes. Mais je ne comprends pas. Je peux vous poser une question, commandant? Ah, mais la réponse est oui, Amy. Oui, je vous aime. Oui, je veux vous épouser. Oui, je veux que vous soyez la mère de mes enfants. Pas forcément dans cet ordre-là. Commandant. On peut s'arranger quand vous... Bon, alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres? Pourquoi avez-vous été si gentil avec Monsieur Rhodes et si dur avec le docteur Furtwängler? Ben, disons que je suis un démocrate. J'ai plus de sympathie pour les petits. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces lettres? Le dernier dossier, mon commandant. Ben, rien d'intéressant? Rien de nouveau. Mais les gars de Wiesbaden m'ont demandé de vous poser quelques questions. Et j'ai trouvé quelque chose qui ne va pas vous plaire. Je suis en train d'éplucher les minutes du procès de Nuremberg et commandant, il y a un témoignage qui... Il y en a une qui n'est pas ouverte. Elle est adressée à qui de droit? Ben, ça doit être nous. À qui de droit? Ben, voilà, lisez. À l'attention des autorités américaines, de Wiesbaden et de Berlin. Voici plus de 50 lettres qui confirment ce que je vous ai déjà dit. Des preuves noires sur blanc. Des lettres de gens qui sont maintenant en Amérique ou en Angleterre pour la plupart, qui tous attestent que Wilhelm Furtwängler fut leur sauveur. Comme j'ai de façon tout à fait inattendue reçu l'autorisation de résider à Paris, je ne serai pas là pour témoigner en sa faveur. J'ai donc fait des copies de ces lettres. Et si vous les détruisez, les copies existeront toujours. Eva Müller. Ah ben, mon vieux, merci Eva. Dommage qu'elle soit tout totalement hors débat. Quoi? Mais mon commandant... Il y en a une du docteur Furtwängler. Lisez. Liebe Frau Müller. Chère Madame Müller. Merci pour votre lettre. Oui, je me souviens bien de votre fille et de votre gendre, merveilleux pianiste. J'ai été très peinée d'apprendre leur destin tragique. Wilhelm Furtwängler. Ramassez-les, Amy. Ramassez-les. Vous disiez que ces braves garçons de Wiesbaden ont des questions pour moi? Oui. Oui, ils pensent qu'il n'y a pas lieu à poursuite contre le docteur Furtwängler. Ils veulent savoir pourquoi vous vous obstinez. Dites-leur qu'ils le sauront quand ils auront pris connaissance du dossier. Jetez un coup d'œil là-dessus, vous verrez ce que je veux dire. Question suivante. Ils pensent que vous recevez des ordres pour continuer à poursuivre le docteur Furtwängler. Ils veulent savoir qui vous donne ces ordres et pourquoi. Ah, vous avez bavardé, hein, c'est ça? Oui, on m'a demandé... Eh bien, vous direz à ces braves garçons de Wiesbaden qui s'occupent de leurs fesses. Est-ce que vous avez des ordres, vous, mon commandant? Vous vouliez me parler des minutes du procès pourquoi, de Nuremberg. Pourquoi, mon commandant? Pourquoi le docteur Furtwängler? Pourquoi lui? Parlez-moi de Nuremberg. Certain Dalerus, Birger Dalerus, un industriel suédois. Oui, Burger, il s'appelle vraiment Burger, il vend quoi, des steaks hachés? Il est maintenant 9h précises. J'ai préparé une déclaration. Cette fois-ci, je n'accepterai plus qu'on me fasse attendre. Wilhelm, ne me parlez pas comme un deuxième violon. Faites-moi le plaisir de retourner dans la salle d'attente, de vous asseoir et d'attendre. Mademoiselle Straub viendra vous chercher quand je serai disposé à vous recevoir, c'est clair? Nom de Dieu, mais quelle arrogance, mais il se prend pour qui, putain de merde, hein? Pour qui? Mon commandant. Pour qui? Mon commandant, est-ce que vous pourriez m'accorder une faveur? Oui, allez-y. Quand vous l'interrogerez, Pourriez-vous le traiter avec un peu plus de respect? Un peu plus de quoi? De quoi? De respect. Ah oui, j'avais bien entendu du respect. Mais vous vous foutez de ma gueule. C'est peut-être tout simplement le plus grand chef d'orchestre du siècle. Et ça mérite le respect. Oui, immense chef d'orchestre. Immense artiste. Et je sais, on me répète ça en longueur de journée. Vous savez ce que je réponds, moi? Oui, mon commandant, je crois... Vous savez comment je m'appelle, moi? Oui, ça aussi. David, il y a une chose que je comprends pas, vous êtes juif. T'es bien juif? Oui, je suis juif. Je suis aussi un être humain. Un être humain? Bon, voilà un événement. T'as pas dit mélomane. Cet homme, ce grand artiste, a tenu des propos antisémites comme vous n'imaginez pas. Attendez, mon commandant, trouvez-moi un seul chrétien qui n'a jamais tenu de propos antisémites. Et moi, je vous trouve les portes du paradis. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas de fierté, de révolte? Mais David, pense à vos parents et pense à lui en train de diriger. Joyeux anniversaire, Adolphe! Enfin, merde! De quel côté êtes-vous? Alors, il dit quoi, votre Suédois de Nuremberg? Ça n'a plus d'importance. De toute façon, c'est sans doute hors débat. Amy, allez me le chercher. Amy, ne l'annoncez pas. Ah, Wilhelm, content de vous voir, comment ça va? Mais pas trop chaud? Entrez, entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Attendez, prenez celle-là, vous serez beaucoup plus à l'aise. Hein, avec cette chaleur, c'est pas croyable. Si vous voulez tomber la veste... J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et c'est la dernière fois que vous me voyez. Mais j'en ai aussi de mauvaises. Hein. Je dois vérifier mon instruction contre vous, voir si elle tient le coup. Et si ça tient, je passe le relais aux autorités civiles, des gens de chez vous, un certain Alex Vogel. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'en ai entendu parler. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Que c'est un agent de Moscou. Ah ben c'est bien lui. Pas un type très sympathique. Je ne crois pas qu'on se tutoie un jour, en tout cas aujourd'hui. C'est votre jour de chance, vous n'avez affaire qu'à moi. J'ai une déclaration à faire. Mais je vous en prie, Wilhelm, vous êtes ici, chez vous. Il faut que vous compreniez qui je suis et ce que je suis. Je suis un musicien et je crois à la musique. Je suis un artiste et je crois en l'art. L'art en général et bien sûr la musique en particulier ont pour moi des pouvoirs d'ordre mystique qui satisfont aux besoins spirituels de l'homme. Mais je le confesse, j'ai été d'une extrême naïveté. Pendant de nombreuses années, jusque tout récemment, en réalité, j'ai défendu avec force l'idée d'une séparation absolue entre l'art et la politique. Franchement, je ne me suis jamais intéressé à la politique. Je lisais à peine les journaux. Ma vie entière est vouée à la musique parce que, et c'est très important, je croyais, à travers la musique, pouvoir préserver quelque chose d'extrêmement concret. Et à savoir? La liberté, l'humanité, la justice. Ah ben ça, Wilhelm, c'est beau. C'est tout simplement beau, et je vais essayer de m'en souvenir. Comment vous dites déjà? La liberté, l'humanité, la justice, magnifique. Oui, mais vous avez aussi parlé de naïveté. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'en fait, vous vous trompiez? On ne peut pas séparer l'art et la politique? Je crois qu'il faudrait les séparer. Mais que ça n'a pas été le cas. Comme je l'ai appris à mes dépens. Et à quel moment l'avez-vous appris? Quand vous avez envoyé le télégramme? Quel télégramme. Bah, joyeux anniversaire, mon cher Adolphe. Bonne fête, mon grand. Grosse biche, Willem. Quelque chose dans le genre. C'est à ce moment-là que j'avais décidé qu'on pouvait pas séparer l'art et la politique quand vous avez envoyé le télégramme. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Je parle du jour où vous avez souhaité un joyeux anniversaire à votre vieux copain Adolphe. Je ne lui ai jamais souhaité ni anniversaire ni quoi que ce soit. Non, réfléchissez bien. Mais je n'ai pas à réfléchir du tout. C'est parfaitement ridicule. Je ne lui ai jamais envoyé de télégramme. Ouais. Pourquoi ne pas montrer le télégramme au docteur Furtwängler ? Ça pourrait lui rafraîchir la mémoire. Je ne le vois pas dans mon dossier. Amy, peut-être l'avez-vous dans le vôtre ? Non, je n'ai jamais vu ce télégramme. Mon commandant, si vous me dites où est le télégramme... Je ne le trouverai pas, parce que ce télégramme n'existe pas. Quoi? Ben j'ai essayé. Hein, j'ai cru pouvoir vous piéger là, Willem, mais le petit David était trop rapide pour moi. Bien joué, David. Bien joué. Non. Je n'ai pas le télégramme. Mais je sais qu'il existe. Eh bien, vous vous trompez. L'art et la politique, hein, c'est ça, la politique et l'art. Vous allez me dire que toutes vos tournées internationales, dès 33, c'était pas de la publicité pour Adolphe ? Nous n'avons jamais, jamais représenté officiellement le régime. Lorsque nous jouions à l'étranger, nous avons toujours joué en tant qu'institution privée. Je pense vous avoir déjà dit qu'en tant que chef d'orchestre, je n'étais pas sous contrat permanent. Bon, ça suffit. C'est vous qui aurez dû rédiger nos polices d'assurance. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire croire ? Que les gens pensaient l'orchestre philharmonique de Berlin et la chose du ministère de la propagande. Mais non ! Non, Willem n'étant pas sous contrat permanent, la politique et la musique sont désormais à tout jamais séparées. Mais vous croyez que les gens ordinaires se disaient ça ? Je n'ai aucune idée de ce que pensaient les gens ordinaires. Ah ben ça, non. Quoi que j'ai fait, et c'est la véritable raison pour laquelle je n'ai pas quitté mon pays. Ma seule intention était de prouver que l'art a plus de sens et d'importance que la politique. Ce qui vaut pour Herbert von Karajan ? Quoi ? Quoi ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Parlez-moi de von der Nul. Von der Nul ? Oui, von der Nul. Von der Nul. Bon, ça va encore durer longtemps comme ça ? Mais vous savez qui est von der Nul, non ? Edwin von der Nul, critique musicale. Bah, il vous a bien fait de mauvaises critiques. Alors qu'il encensait le petit jeune, Karajan, le petit miracle, comme il appelait. Alors vous avez fait enrôler von der Nul dans l'armée, et personne n'a plus jamais entendu parler, c'est bien ça ? C'est un mensonge éhonté ! Vous êtes sûr que vous n'avez pas passé un coup de fil à un de vos grands copains ? Ah, vous n'aimez pas la critique. En tout cas, vous n'aimez pas que l'on dise qu'il existe un autre chef d'orchestre meilleur que vous. Je vous prie de cesser ce petit jeu. On dirait que vous prenez plaisir à me harceler. Ayez un peu de respect pour mon intelligence. Nous parlons ici de choses qui concernent toute mon existence, ma carrière, ma vie. Pourquoi éprouvez-vous le besoin d'avancer le nom d'un autre chef d'orchestre ? Willem, vous vous souvenez, nous avons parlé du jour où vous avez dirigé pour l'anniversaire de Hitler. Hein, vous m'avez dit que Goebbels était arrivé le premier chez vos docteurs qui vous avait doublé. Oui, et c'est ce qui s'est passé. Ah, eh bien, moi, j'ai une autre histoire. Hein, j'ai épluché le fichier Inkel. Je sais, vous dit, Willem, si tu ne diriges pas pour l'anniversaire d'Adolphe, ben nous, on va appeler le petit miracle. hein, celui que von der Nuhl considère comme le plus grand chef d'orchestre du monde. Celui que tu appelles K. Alors non seulement il accepte avec joie, mais en plus il a proposé de chanter. Joyeux anniversaire et en solo. Ah, mais vous inquiétez, ce K. Alors, en 42, il est jeune. Et Hermann et Joseph qui n'arrêtent pas de vous dire « Si tu ne le fais pas, Wilhelm, eh bien le petit K le fera. » Alors l'art et la politique, et les symboles, et toutes ces conneries à la morboilleuse sur la liberté, l'humanité, la justice, basta. C'est la jeunesse qui se pointait. Hein, vous pouviez bien être le plus grand, le plus noble, le plus sensationnel avec votre baguette, mais c'est comme ça qu'ils vous ont eu, Wilhelm. À chaque fois. À chaque fois. Et la vraie raison qui a fait que vous n'avez pas quitté l'Allemagne, alors que vous auriez dû le faire, c'est que vous aviez peur que K prenne votre place. Oh, c'est totalement absurde. Mon commandant, où est-ce que tout ça vous mène? Tout ça n'établit absolument pas... Pas maintenant, David. Ok, non, mais ils ont misé sur votre vulnérabilité. C'est humain, c'est compréhensible. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Après tout, il est à peu près admis que le petit K a ce qu'il faut où il faut. Et pratiquement tout le monde au parti en est fou. Oui, mais j'ai dit pratiquement, parce que il y a une exception. Et oui, il y en a un au parti qui vous aime beaucoup mieux que le petit K. Il y en a qui trouvent que le petit K n'est même pas digne de brosser les pans de votre habit, et celui-là, c'est qui? Eh oui, votre vieux copain, Adolphe. Et quand il dit « je veux Wilhelm pour mon anniversaire », putain, on a intérêt à trouver le Wilhelm. Et c'est comme ça qu'ils vous ont eu. Ils vous ont pris par les couilles, ils ont serré, fort. Mon commandant, vraiment, je ne vois pas comment votre système d'interrogatoire... Non mais David, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes devenu avocat de la défense tout à coup, quoi? Ce que je cherche, mon cher maître, c'est des mobiles tout bêtes, ordinaires, humains. Pourquoi est-il resté? Pourquoi a-t-il joué pour eux? Pourquoi a-t-il été le porte-drapeau du régime? Je me suis démis de mes fonctions à la Philharmonie de Berlin. J'ai refusé de participer à un film qu'ils ont fait réaliser sur l'orchestre. Ils étaient déterminés à me faire taire. Ils contrôlaient la presse. Vous parlez de ce critique, von der Nuhl. Ses éloges étaient peut-être sincères. Je n'en sais rien. Mais ses propos étaient encouragés, guidés, puis récupérés. Ils avaient besoin d'une autre star, comme ils disaient, pour prendre ma place imposée par l'adjudant personnel de Himmler. Et quand on résistait à cet individu, ils ne proposaient qu'une seule sanction, la mort. Quand ils ont compris que je ferais tout pour empêcher l'art d'être dirigé et contrôlé, ils ont décidé de me briser. Et vous ne l'avez pas fait mobiliser? Von der Nuhl? Oh, c'est absurde. C'est eux qui avaient du pouvoir sur lui. Pas moi. Jamais de ma vie je n'ai essayé ni même désirer faire taire la critique. Je crois que la critique, quand elle est fondée, est un élément essentiel de la vie culturelle. Et si vous avez décelé de ma part une certaine réticence à l'égard de K, ce n'est pas parce que je suis jaloux ni inquiet, mais parce que... J'ai de sérieuses critiques à lui faire. C'est un chef d'orchestre cérébral. Il ne reçoit pas l'œuvre à chaque fois comme s'il la découvrait. Il dirige d'après ce qu'il connaît et ce qu'il décide. C'est pourquoi les nuances, chez lui, sont toujours exagérées. Ses tempi lents sont trop lents. C'est rapide, trop rapide. Le résultat, a toujours quelque chose d'hystérique. Alors j'essaie de vous comprendre, Willem, croyez-moi, vraiment j'essaie, mais là je suis perdu. Parce que voyez-vous, moi, je suis complètement inculte, sans grande subtilité. Alors quand je vous regarde, moi, je ne vois pas le grand artiste, le plus grand chef d'orchestre du monde, non, moi, je vois un homme ordinaire comme des millions d'autres. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'il fait qu'il est resté dans cette situation alors qu'il dit avoir fait tout son possible pour résister, tout sauf foutre le camp. Hein, qu'est-ce qui fait qu'il est resté là, bon Dieu de bois? Combien avez-vous d'enfants hors mariage? Quoi? Mon commandant, c'est un scandale. Je ne vois pas du tout le rapport avec... Vous allez voir, Wills. Vous avez entendu la question, Willem? J'ai des enfants illégitimes. Pardon? Je dis, j'ai des enfants illégitimes. Je ne sais pas combien. Ah ben là, je veux bien vous croire. 4, 5, 6. Ah ben, vous aimez bien les dames. C'est vrai qu'avant chaque concert, vous faisiez monter une femme dans votre loge, histoire de jouer un peu de la baguette du chef, c'est bien vrai. Mon commandant, ceci est à la fois profondément insultant et répugnant. Un peu, et oui. Totalement hors débat. Erreur, mon cher maître, parce que les femmes se jetaient dans vos bras, hein, Willem. Mais votre secrétaire, Bertha Geismar, elle rabattait pour vous. Arrêtez! Je vous en prie! Arrêtez! Moi, je dis que vous êtes resté parce que pour vous ici, c'était le paradis. Adolphe en personne vous offre un château avec un bel abri antiaérien. Mais j'ai catégoriquement refusé la maison et l'abri. Mais vous n'êtes pas resté par dévotion pour votre peuple. Hein? Oui, ni pour sauvegarder les traditions, ni parce que vous pensez que la culture, l'art, la musique étaient au-dessus de la politique. Non! Mais vous êtes le préféré du numéro un du pays. Vous avez toutes les femmes que vous voulez. Vous êtes payé une fortune et on vous offre un château. Avec un bel abri pour vous tout seul, au cas où il tombe des bombes. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez ou vous partez? Votre argument n'est pas recevable, mon commandant. Si le docteur Furtwängler bénéficiait de tous ces privilèges, c'est grâce à ce qu'il est et qui il est. Il aurait pu vivre et travailler n'importe où. Sa position lui aurait assuré tout ce qu'il désirait. Et c'est vrai pour n'importe quel artiste majeur dans n'importe quel pays du monde. Ce sont des êtres à part, commandant. Ok, mais ils sont quand même obligés de se lever la nuit pour aller pisser. Puis ça leur arrive d'être envieux et vindicatif, comme vous et moi. Enfin, comme moi. Hein, par exemple, tout le monde raconte à quel point vous avez été formidable avec les Juifs. Et le chef d'orchestre italien, alors. Vittorio De Sabata. De Sabata? Oui, j'ai une lettre de 39. Que faire quand le docteur Furtwängler me dit qu'il est parfaitement indécent que ce juif De Sabata dirige du Brahms? Depuis le jour où De Sabata a dirigé Tristan à Bayreuth, Furtwängler ne parle plus que du juif Sabata. De qui est cette lettre? Secret d'instruction. Vous avez une copie dans votre dossier, David, et la lettre est authentique. Je n'ai jamais rien dit qui soit contraire à mes convictions. Bien sûr, en certaines occasions, quand je m'adressais à certains membres du parti, j'étais obligé d'employer leur langage. Il fallait dire « Herr Hitler », par exemple. Mais en dehors de ces occasions, je n'ai fait aucun compromis. Je n'ai jamais dit autre chose que ce que je pensais. Et j'ai toujours été parfaitement clair dans mon attitude envers les Juifs. Je vous crois, mais répondez aux questions, ne donnez pas d'explications. Mais il faut que j'explique! Je sais que même poussé à bout, je n'aurais jamais pu dire une chose pareille. De Sabata était mon ami, un de mes rares amis intimes. Je l'avais invité à diriger mon orchestre. Nous avions établi son programme ensemble. Alors une autre lettre de juillet 33 écrite par vous au ministre de la Culture, Bernard Rust, au sujet d'un compositeur contemporain juif qui allait être démis de ses fonctions. Voilà ce que vous avez écrit. Arnold Schönberg est considéré par l'internationale juive comme le musicien le plus important de notre époque, mais il apparaîtrait maladroit d'en faire un martyr. Alors qu'avez-vous à dire à cela? Exactement ce que je viens de vous dire. On était obligés d'employer leur langage. Vous n'avez pas lu toute la lettre, mon commandant. S'il doit être démis de ses fonctions maintenant, ce qui, à mon avis, ne serait pas équitable, il faudrait que la compensation financière soit généreuse. Il ne le condamne pas, il plaide en sa faveur. Je vous lis les minutes du procès de Nuremberg. Birger Dalerus. La première fois que j'ai vu Göring, il était empêtré dans une conversation orageuse avec Wilhelm von Wendler, qui sollicitait en vain l'autorisation de garder son premier violon solo juif. Oui, oui, oui, je m'en souviens. J'intercédais en faveur de Simon Goldberg, un musicien merveilleux et un homme merveilleux, le plus jeune concertmestre que nous ayons eu dans l'orchestre. Dieu merci. Il a pu s'échapper. Je forme le vœu qu'il soit sain et sauf. Oh, Wilhelm, comment se fait-il que tout ce que vous dites me touche à ce point ? Amy, lisez une des lettres de Madame Müller. Au hasard, n'importe laquelle. Je n'arrive pas à lire la signature. N'oubliez pas qu'aider les Juifs était un crime capital. On était pendu publiquement sur simple présomption de telles activités. Mais le docteur Furtwängler aidait tous ceux qui le lui demandaient. Je peux moi-même témoigner avoir vu littéralement des centaines de personnes faire la queue devant sa loge après ses concerts pour lui demander de l'aide. Il n'a jamais renvoyé personne. Pour moi, ça ne ressemble pas vraiment à de l'antisémitisme, mon commandant. C'était plutôt des actes d'un très grand courage. Non, mais vous croyez que je ne sens pas un contrabidon quand on me le force sous le nez ? Mais bien sûr qu'il a aidé des Juifs. Mais ça, c'était pour se couvrir. Ah oui, vous n'étiez peut-être pas membre du parti, parce qu'en vérité, Wilhelm, vous n'aviez pas besoin de l'être. Amy, le disque. Vous savez ce que c'est ? Naturellement. Je sais ce que c'est. Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est ? La 7e symphonie d'Anton Bruckner. La date. Dirigé par qui ? Par moi. Savez-vous quand cette musique a été diffusée sur les ondes ? Pour la dernière fois. Comment voulez-vous que je le sache ? La dernière fois que cette musique a été diffusée sur les ondes, c'est après qu'on ait annoncé que votre vieux copain Adolphe s'était fait sauter le caisson. Alors, est-ce qu'ils ont été chercher le petit cas ? Est-ce qu'ils ont trouvé un autre chef pour leur fanfare ? J'ai toujours essayé de m'analyser avec sincérité. Vous avez raison, commandant. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je parle toujours selon mon instinct. En restant ici, je croyais, je pensais, j'étais sur une corde raide entre l'exil et le bagne. Vous semblez me reprocher de ne pas avoir choisi d'être pendu. J'ai essayé de défendre la vie spirituelle de mon peuple contre une idéologie mauvaise. Je ne me suis pas opposé ouvertement au parti parce que je me disais que ce n'était pas mon rôle. Je n'aurais servi à personne par une résistance active, mais je n'ai jamais caché mes opinions. En tant qu'artiste, j'étais décidé à ce que la musique, au moins, demeure intacte, pure, de toute pollution. Si j'avais pris une part active à la politique, je n'aurais pas pu rester en Allemagne. Ne vous méprenez pas, je vous en prie. Un artiste ne peut pas être totalement apolitique. Il a forcément des convictions. En tant que citoyen, c'est le devoir d'un artiste d'exprimer ses convictions. Mais en tant que musicien, je suis plus qu'un citoyen. Je suis citoyen de ce pays au sens éternel que proclame le génie de la grande musique. Je sais qu'une seule interprétation d'un chef-d'œuvre était plus forte que les mots, la négation violente, la négation vitale de l'esprit de Buchenwald et d'Auschwitz. Partout où l'on joue Wagner et Beethoven, les hommes sont libres, la musique les transporte vers des contrées où les tortionnaires et les assassins n'ont plus le pouvoir de leur faire de mal. Est-ce que vous avez déjà senti l'odeur de la chair brûlée? Moi, je l'ai senti à 8 kilomètres. À 8 kilomètres, je l'ai senti et je la sens toujours. Je la sens la nuit, parce que je ne peux plus dormir avec cette puanteur dans mes narines. Je la sentirai tout le temps qu'il me reste à vivre. Est-ce que vous avez vu les fours crématoires et les chambres à gaz? Est-ce que vous avez vu les montagnes de corps putréfiés poussées à la pelle par les hommes et les femmes qui les avaient assassinés? Moi, je l'ai vu. De mes propres yeux, je l'ai vu. Et je le vois depuis toutes les nuits. Et toutes les nuits depuis. Je me réveille en hurlant devant ces visions et je sais que plus jamais je ne pourrai dormir paisiblement. Et vous venez me parler de culture, d'art, de musique. C'est ça que vous mettez dans la balance? Vous mettez la culture, l'art, la musique face aux millions de personnes exterminées par vos copains? Ah oui, les copains à qui vous pouviez téléphoner pour sauver un ou deux juifs, alors que des milliers, des millions étaient anéantis. C'est ça que vous mettez dans la balance. Oui, je vous reproche de ne pas vous être fait pendre. Je vous reproche votre lâcheté. Vous paradiez, vous vous pavaniez. Vous étiez la clé de voûte de leur merdier. Vous dites marcher sur une corde raide entre l'exil et le bagne. Et moi, je vous dis mensonge. J'aime mon pays. Je crois en l'art. Qu'est-ce que je pouvais faire? Agir. Agir avec courage. Pensez au vrai courage. Pensez à des hommes comme le père d'Emmy qui ont risqué leur vie, pas leur carrière. Non, Emmy. Enlevez les doigts de vos oreilles, je parle de votre père. Je parle du véritable courage. Je parle de ceux qui ont vraiment risqué leur putain de vie. mon père n'a rejoint le complot que lorsqu'il a compris que nous ne pouvions pas gagner la guerre. Commandant, quel monde voulez-vous? Quel monde allez-vous fabriquer? Est-ce que vraiment vous ne comprenez pas le pouvoir de l'art? Quand il s'agit de transmettre la beauté, la douleur et la jubilation, si vous croyez sincèrement que la seule réalité est le monde matériel, alors il ne vous restera plus rien qu'une fange immonde, plus nauséabonde encore que la puanteur qui infecte vos nuits. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Comment aurais-je pu savoir de quoi ils étaient capables? Personne ne le savait! Personne ne savait! Les monstres qu'ils étaient, leur atrocité, leur dépravation. Oh mon Dieu, je ne veux plus rester dans ce pays. Oui, oui, j'aurais mieux fait de partir en 34. Helmut! J'aurais mieux fait. Conduisez votre ami aux toilettes, après quoi vous lui direz de foutre le camp, Amy. Helmut peut se débrouiller seul. Je me demande comment j'aurais agi à sa place. Je suis pas sûr que j'aurais agi avec courage. Et vous, commandant ? Oui, passez-moi le général Wallace. Je dis Vernon, mais aspect, mon général. Non, ben, je ne sais pas si l'accusation tiendra le coup, mais on a de quoi lui faire passer un foutu quart d'heure. Non, mais vous voyez pas que je suis au téléphone? Excusez-moi. Non, ne vous inquiétez pas. Nous avons un journaliste qui écrira ce qu'on lui dira d'écrire. Oui, un certain Delbert Clark du New York Times. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moins fort! Coupez-moi ça! Eh ben, mon vieux, vous en connaissez, hein, des gens haut placés. Il serait plus exact de dire que beaucoup de gens haut placés me connaissaient. Faites pas le malin avec moi, parce qu'on dirait bien que tous vos amis sont une bande d'ordures et de criminels. Alors, Wilhelm, dites-moi la vérité, c'était quoi votre numéro de parti? Si vous comptez me brutaliser de cette manière, commandant, vous feriez bien de réviser vos leçons. Vous ne vous rendez manifestement pas compte de la stupidité et de la grossièreté de vos propos.